Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue chez Dr Disco et Mr Funk. On va passer une demi-heure ensemble, et cette demi-heure là va nous replonger dans le passé de la musique funk et disco. La découverte du jour, c'est Donald Byrd. Alors, aucun lien de parenté avec Mickey, je vous rassure. Il est surtout connu pour ses talents de trompettiste, mais j'ai découvert le morceau Love Has Come Around, qui m'a tout de suite interpellé. Pour le coup, le musicien s'est associé avec le groupe 125e Street Band, et le morceau sera classé 4e des hits US. Il est extrait de l'album Love Burn, sorti en 1981. C'est parti. Alors la double dose de ce samedi, je vais la consacrer à Billy Ocean. De son vrai nom, Leslie Sebastian Charles, il est né à Trinidad et Tobago en janvier 1950. Il commence une carrière de Cooper pour le prêt-à-porter à Londres. Comme loisir, il chante des reprises de tubes disco avec le groupe Shade of Midnight. Son premier succès sera Love Really Hurt Without You. Il décide de partir pour les USA au début des années 80. En 1981, sort son premier album, Night, qui sera, on peut le dire maintenant, un échec. Il ne se décourage pas, car 3 ans plus tard, il sort Suddenly, où se trouvent les tubes Caribbean Queen, Loverboy et Mystery Girl. Dans la foulée, on lui propose de faire la bande originale du film Le Diamant du Nil, avec comme titre majeur When the going gets tough, the tough gets going. C'est pas facile à dire. Et le succès s'enchaîne avec l'album suivant, au point que Billy Ocean décide de s'élancer dans une tournée internationale. Par la suite, il va prendre son temps et met 5 ans à sortir un nouvel opus. Ce dernier sera un échec et il décide de mettre sa carrière en sommeil. En 2004, il se réveille, il sort un best-of, et en 2008, il sort Because I Love You, qui lui fera retrouver les lumières de la scène. Alors passons maintenant à ma sélection. Impossible de passer à côté de Caribbean Queen, bien sûr, et j'ai choisi de vous faire redécouvrir Loverboy. C'est parti! Yeah. Le samedi, c'est Apéro Disco sur Fadjet. Alors en avant-première aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle rubrique. Il y en aura d'autres à la rentrée, mais j'anticipe histoire de vous faire saliver un peu. Cette rubrique s'appelle les 100 hits. Je me suis inspiré du livre Night Fever 100 hits qui ont fait disco de Belkacem Medyan. Je vais vous en faire découvrir à chaque émission. Il y a des titres déjà diffusés, mais c'est pas grave, on les réécoutera l'an prochain dans une version différente. Celui qui va inaugurer, c'est Young Heart Run Free de Candy Staton, sorti en 1976. Ça représente le plus haut hit de sa carrière. Après pas mal d'années à faire du gospel, elle décide de se reconvertir dans la soul, poussée un peu, il faut le dire, par son second mari. De 1969 à 1974, de nombreux albums sortent et on la surnomme First Lady of Southern Soul. Elle divorce en 1973 et tombe sous le charme d'un sombre personnage, Jimmy Jones. L'homme lui promet monts et merveilles et se révèle être violent et manipulateur. Tout ce qu'on déteste. Candy se confie à son compositeur qui lui propose d'exorciser sa situation en chanson. La musique est joyeuse, mais les paroles, bah, c'est tout le contraire. Elle l'interprète avec tellement de force que ça en fait un succès. Ah, l'amour! Suite à ça, elle finira par divorcer en 1977 pour être de nouveau heureuse. On va découvrir ça tout de suite. What's the sense in sharing this one and only life? Ending up just another lost and lonely wife. You count up the years and they will be filled with tears. Love only breaks up to start over again. You'll get the babies, but you won't have your man. While he's busy loving every woman that he can. Say I'm gonna leave 100 times a day. It's easier said than done when you just can't break away. Oh, young hearts, run free. They'll never be hung up like mine. Fadjet, à Nancy, sur 94.2. C'est plus qu'une radio. C'est plus qu'une radio. La pépite du jour, c'est Village People qui en hérite. J'ai sélectionné I Am What I Am, tiré de leur album Macho Man, sorti en 1978. Le titre arrivera à se classer 4e des hits US. Alors, c'est clairement une ode à la libération du mouvement gay, qui était très controversé à cette époque. Il sera d'ailleurs repris par Gloria Gaynor, qui rencontrera un énorme succès, faisant oublier qui l'avait créé. Bonne dégustation. I am, what I am, what I am, what I am, I'll be, I'll be, I'll be. right to share just what we feel, the right to their free will. I did not choose the way I am. Alors, il est temps de nous quitter. Je vous souhaite une bonne soirée. À samedi prochain sur Fadjet, bien sûr. Même heure, même endroit. Bye bye.